Metal Express avec Eric. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi à la même heure de 19h à 21h. C'est Eric avec vous donc pour vous accompagner dans le Metal Express. Et ce soir donc c'est le spécial Metal 80 comme chaque premier lundi du mois. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal. Radio Heavy Metal, je vous donne le site, c'est le https://radioheavymetal.site. Vous pouvez télécharger les applications pour nous écouter sur votre smartphone ou bien tablette tactile en allant sur le Google Play ou bien Apple Store. Et vous pouvez aussi télécharger l'application sur radio.fr. Et pour cela, vous tapez Radio Heavy Metal. N'oubliez pas que nous avons également les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. C'est le spécial Metal 80 et ce spécial Metal 80, donc, je vais le dédier à une personne qui va se reconnaître d'ailleurs. Il s'appelle War et grâce à lui, donc, étant donné que Radio Heavy Metal a eu des petits problèmes, on va dire techniques, informatiques même, et il a pu nous résoudre tout ça. Donc cette émission, je vais lui dédier spécialement rien que pour lui, donc pendant ces 2 heures de hard rock heavy metal des années 80. Et puis, on va commencer même très fort avec Venom, ça s'appelle Black Metal, l'album est sorti en 1982. Venom est considéré comme le groupe précurseur du heavy metal dit extrême et à ce titre est considéré comme le plus important des groupes initiateurs du black metal avec son album donc du même nom. Voici Venom, Black Metal. Thank you. Black Metal, le groupe Venom, donc. Voici maintenant Mama's Boys, ils sont irlandais, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Hard and Lord, extrait de l'album Power and Passion, qui est sorti en 1985. Lord, le groupe Mama's Boys, donc extrait de l'album Power and Passion. Voici maintenant Accept, ça s'appelle Metal Heart. Cet album est sorti en 1985. We'll be right back. Le groupe allemand Accept avec Metal Earth. L'album est sorti en 1985. Voici maintenant des Danois, c'est le groupe Pretty Maids. Ils avaient sorti un premier album au nom de Red Hot and Heavy en 1984. Là, on va s'attaquer au deuxième album qui s'intitulait Future World. Il est sorti en 1987 et ce morceau qu'on va écouter s'appelle We Came to Rock. We came to rock! Les Danois de Pretty Maids à l'instant avec le morceau We Came to Rock. Voici maintenant le groupe Manowar, ça s'appelle Defender. Cet album s'appelle Fight in the World. C'est le cinquième album studio du groupe de heavy metal, donc il est sorti le 17 février 1987. Le son de cet album est radicalement différent des deux précédents albums, celui-ci étant plus hard et FM et moins puissant. Mais bon, il restera quand même pour moi un très bon album. When you are old enough to read these words, their meaning will unfold. These words are all that's left. Though we've never met, my only son, I hope you know that I would have been there to watch you grow. But my call was heard, and I did go. Now, your mission lies ahead of you, as it did mine so long ago. To help the helpless ones who all look up to you, and to defend them to the end. Fight for my son. You're the defender. Je vous rappelle donc, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le spécial Metal 80, donc, et à l'instant, on vient d'écouter le groupe Manowar avec Defender. Voici maintenant Whitesnake, ça s'appelle Fool For You Loving, c'est extrait de l'album Sleep Of The Tongue qui est sorti en 1985. Allez, bonne écoute, vous êtes dans le Metal Express. Coverdale s'est vu obligé de reconstruire un line-up pour répondre à cet album De multiples sollicitations, qu'elles soient scéniques ou vidéo. C'est ainsi que Tommy Holbridge à la batterie, Rudy Sarzo à la basse, Adrienne Vandenberg et de Vivian Campbell à la guitare apparaissent à ses côtés dans les clips de différents singles comme Still of the Night, It Is Love ou bien Here I Go Again qui tournent en boucle sur MTV. Mais alors que le charisme chanteur et Adrien Vandenberg finissent de composer le nouvel album, le guitariste se blesse gravement au bras alors que Campbell est viré du groupe en raison d'une attitude négative. C'est donc Steve Vai qui vient remplacer ce guitariste. Voici maintenant Savatage, ça s'appelle White Witch. Bonne écoute. Savatage avec White Witch. Voici maintenant des Irlandais, il s'appelle Ragmel, il est sorti donc cet album le 16 septembre 85. J'avais été acheter ça chez mon marchand de disques à l'époque, face au rayon des nouveautés, une célèbre enseigne musicale donc, et une pochette m'avait interpellé, représentant un visage mi-homme, mi-cyborg, tout à fait dans les esprits du célèbre film Terminator. Et puis ça m'a marqué, donc j'avais acheté et ça m'avait vraiment plu. Ça s'appelle Rugmail. Ce morceau s'intitule Greasy Motorcycle. S'appelle Rugmail, donc un premier album qui s'appelait First Visit. Il est sorti en 1985. Ils étaient venus en France voir Philippe Manœuvre. On va dire Philippe Manœuvre les avait invités dans son émission Télécommando. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, évidemment, Télécommando, ça leur dit rien, mais moi, pour moi, ça m'a marqué. Et donc, Jim Little était là, et vraiment, il a déconné dans le studio. On va s'attaquer maintenant avec un groupe allemand, il s'appelle Gravestone. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Fly Like an Eagle. Bonne écoute! Flack, Laken, Engel, le groupe Gravestone. Le groupe Gravestone est un groupe allemand, donc de heavy metal, formé en 77, à l'origine comme groupe de rock progressive avant d'entrer dans le genre du heavy metal. Gravestone a sorti 5 albums studio entre 77 et 86 avant de se séparer. Plusieurs membres du groupe ont continué le groupe sous le nom de 48 Crash. Voici maintenant Deep Purple. Le morceau s'appelle Perfect Strangers. Bonne écoute. Remember c'est un cadeau des cieux qui nous est arrivé en novembre 1984, cet album Perfect Strangers, donc de Deep Purple, avec un son moderne, notamment pour les claviers de John Lord, inspiration retrouvée et prouesse technique d'artistes au sommet de leur art. Ce 11e album de Deep Purple remplace le Phoenix sur son piédestal. On va s'écouter maintenant Virgin Steel, ça s'appelle Metal City. Bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back. groupe Virgin Steel avec Metal City. L'album s'appelait Guardians of the Flame. Il est sorti en 1983. Vraiment un excellent album. Voici maintenant Sin Lazy. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Killer on the Loose. Avec Killer on the Loose, l'album s'appelait Shanadan, il est sorti en 1980. Voici maintenant Judas Priest, ça s'appelle Paradal Guidance. Bonne écoute! Thank you. Judas Priest avaient fait très fort avec leur précédente réalisation Defender of the Faith qui était sortie en 1984. Mais le mouvement thrash metal a désormais fait une percée et le heavy metal traditionnel n'est plus seul à avoir les faveurs du public. Hellways et puis Ride the Lightning ont montré une musique largement plus violente et rapide que celle du divin Chauve et de sa bande. Les Anglais réalisant qu'ils ne pouvaient rivaliser avec des formations comme Metallica et Slayer sur leur propre terrain, décidèrent de changer de tactique et de prendre le train au glam en marche sur ce turbo. Sorti en 1986, cela se ressent sur la pochette, moins agressive qu'à l'accoutumée, une main de femme tenant un levier de vitesse, de bande de vicieuse. Les teints rouges vifs annoncent la couleur, si je puis dire, mais avec à l'intérieur les bonhommes ont modifié quelque peu leur tenue vestimentaire en les adaptant au contexte, gris de cuir bleu pour robe, veste avec guirlande jaune de Noël pour Dave Holland, débardeur en cuir pour Ian Hill. Ces messieurs se sont mis donc à la mode color. J'ignore s'ils sont habillés par Christian Lacroix ou bien Jean-Paul Gaultier. Voici maintenant 220 volts et le morceau qu'on va écouter s'appelle Young and Wild. Young and Wild. Goodbye. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. On parlait justement de Metallica et de Slayer, donc dans le thrash metal. Voici donc Metallica, ça s'appelle Welcome Home Sanitarium. Ce morceau donc, je vais le dédier à War, rien que pour lui. Voici Metallica, suivi de Slayer avec Mandatory Suicide. This saves us from our hands. L'album s'appelle Sons of Heaven, donc le groupe Slayer avec le morceau Mandatory Suicide. Et juste avant, on a eu donc Metallica avec le morceau Welcome Home Sanitorium, l'album de Master of Puppets qui est sorti le 3 mars 1986. C'était le troisième album studio du groupe, donc c'est également le dernier album avec le bassiste Cliff Burton. Ce dernier décède en effet dans un accident de bus en Suède lors de la tournée de promotion de l'album Master of Puppets. Voici maintenant Joe Satriani, ça s'appelle Satch Buggy, bonne écoute. We'll be right back. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Avec Pounding Metal, extrait de l'album Violence and Force, sorti en 1984. Voici maintenant Raven, ça s'appelle Screaming Down the House, c'est extrait de l'album The Pack is Back, sorti en 1986. chariots, the foundations are rocking, and they're crumbling at my feet. Whoa, whoa. Avec Screaming Down the House, extrait de l'album The Pack is Back. Voici maintenant Queen Strike, ça va lui faire plaisir, je pense, avec la prononciation. Je pense qu'elle a été bonne. Voici Warning, cet extrait de leur deuxième album. Le morceau s'appelle Warning, et je l'ai dit en plus, c'est sorti en 1984, voilà, et l'album s'appelle The Warning. Si ça veut bien partir. On the floor. groupe s'appelle Queen Strike avec le morceau Warning, extrait de l'album The Warning qui est sorti en 1984. Voici maintenant les Américains de Testament. Le morceau s'appelle Practice What You Preach. C'est extrait donc du troisième album qui est sorti fin d'été en 1989 pour le compte de l'écurie Megaforce, muni d'une illustration remarquable. Voici ce morceau. Practice what you preach. We'll be right back. le groupe Testament avec Practice What You Preach, un excellent morceau. Voici maintenant Demon, le morceau qu'on va écouter s'appelle Night of the Demon. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici maintenant dans le Metal Express le groupe suisse Killer. Le morceau s'appelle The Ride and of the Devil. Bonne écoute dans le Metal Express. Je vous rappelle que c'est le spécial Metal 80. Bonne écoute! Just the sunlight. I feel it rising, the fight. Le groupe était suisse, donc il s'appelle le Killer, et le morceau qu'on a écouté, The Ride and the For the Devil, c'est extrait de l'album Stranger Turn Heaven. Il était sorti en 1983. Voici maintenant les petits japonais de Loudness, et ce morceau s'appelle Let It Go. Pardon, qui s'appelait Shadows of War. C'est le sixième album studio de Loudness. Il est sorti en 1986. L'album est intitulé Shadows of War au Japon, mais est renommé Lightning Strikes à l'international, avec d'autres modifications. La pochette est différente, les pistes sont classées différemment et remixées, notamment les titres comme Complication, Voir Wood Nogs et le titre Shadow of War est nommé Aish in the Sky. Voici maintenant Rainbow et ce morceau s'intitule Death Only Driver. Bonne écoute dans le Metal Express. Il nous reste environ à peine 10 minutes. Dans le Metal Express avec Death Alley Driver, voici Sodom avec Outbreak of Evil. Voilà donc ce spécial Metal 80, c'est tout pour ce soir. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau Metal Express. Je vous rappelle que Radio Heavy Metal, ce n'est pas spécialement que du Metal Express. Il y a également Vampire Freaks avec Spike juste derrière moi de 21h à 23h. Il y a également Purgatoire avec Jeff tous les premiers mardis du mois. Purgatoire, c'est une heure de hard rock et de heavy metal des années 80. Le mercredi, vous avez Monde Metal avec Thierry de 19h à 20h30. Et puis derrière, il y aura Metal on Metal avec Vincent de 20h30 à 22h. Le jeudi, vous retrouvez Mathieu avec son émission Hard Time Machine de 19h à 20h. Le vendredi, c'est le Rock à Kiki avec Bastien de 19h à 22h. Tapage Nocturne, ça c'est le samedi, avec Emmanuel Moissé de 21h à minuit. Et puis le dimanche, vous retrouvez Artiste en scène avec Cathy, donc de 18h à 20h. Voilà, nous donc on se retrouve lundi prochain, donc à la même heure, 19h-21h. N'oubliez pas, si vous voulez me laisser un message, c'est très simple. Sur la boîte mail que je vous donne, c'est radioheavymetal76@gmail.com. Voilà. Vous pouvez également aller sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. Allez, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à lundi prochain. Allez, ciao !